Bonjour, 18 mai 2022. Ça va être un très court direct parce que je peux pas rester longtemps. Il va falloir que je quitte dans peut-être 20-25 minutes. Donc, il n'y a personne pour l'instant, ce qui est normal, là, en pleine semaine, le matin comme ça, là. Donc, vous avez vu, j'ai mis un court des extraits. D'une entrevue, un entretien entre bonjour Lulu, entre Bernard et Daniel Ménard. J'ai pas fait de montage, j'ai juste bonjour Carole, je l'ai juste écouté, puis j'ai mis les parties les plus frappantes de tout l'entretien, puis je les ai mis bout à bout, puis ça a donné la série d'extraits que vous avez eu. Bonjour Lindus. Donc, de quoi il était question? Il y a quelqu'un dans les commentaires qui me disait, bon, la souffrance vibratoire, puis ces affaires-là, puis tu sais, oh, ben, dès qu'on est incarné dans un corps, il y a de la souffrance vibratoire. Je suis pas nécessairement d'accord parce que dès qu'il va y avoir les gens psychologisent beaucoup. C'est pourquoi justement aussi le vibratoire, et souvent la majorité des gens vont pas savoir de quoi il est question. C'est des choses pour eux qui sont très abstraites, c'est pas concret. Pourquoi? Parce qu'ils sont psychologiques. De la même façon que un son plus fort va en enterrer un autre, si vous voulez, un plus subtil. Donc, mais chez les animaux, il y a une vraie souffrance vibratoire souvent. Mais c'est parce qu'ils sont moins psychologiques, ils sont pas. Bonjour Christine Ravine. Ah oui, bon, tant mieux. Bonjour Chantal. Donc, c'est très, très, très. C'est très, très, très subtil. Moins on est psychologique, plus que ça va pouvoir être manifeste. Mais quelqu'un qui a quitté qui a souffert psychologiquement dans sa vie, qui finit par se rendre compte que c'est pas nécessaire de psychologiser son inconfort ou de traduire en souffrance psychologique par la réflexion qui est comme une loupe grossissante, son expérience va préférer aller de plus en plus vers le subtil. Le subtil de la souffrance vibratoire, c'est si on choisit entre les deux d'un autre côté, plus vous allez être sensible à ça, plus vous allez souffrir facilement, mais ce ne sera pas nécessairement psychologique. Bonjour Aurélie. Donc, comme je vous dis, là, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais c'est particulier. C'est particulier ces questions-là, parce que souvent, bon, mais c'est difficile de faire comprendre. De faire comprendre de quoi il est question. Si vous avez déjà vécu de l'inconfort étant enfant à cause d'une tension ambiante, parce que vous savez instinctivement, sans le réfléchir, que quelque part, il y a de l'instabilité dans votre environnement, là, on peut parler de ça. Ou bien, les gens qui ont vécu, souvent, quand une souffrance vibratoire peut pas être psychologisée, ça va se traduire par des phénomènes, comme par exemple les gens qui ont tendance à angoisser beaucoup, les attaques de panique, un trop-plein, l'incapacité de gérer ça, de gérer l'information, souvent ça va être lié à un inconfort vibratoire. Il y a des choses enregistrées qui veulent se... Bon, mon frigidaire, qui veulent se... Comment je pourrais dire ça? Si vous avez de la mémoire traumatique qui peut se réveiller, qui veut se réveiller, ça peut être bloqué. Donc, au lieu d'avoir une souffrance psychologique intense, il va y avoir une sorte de crise, c'est-à-dire une incapacité à gérer l'information environnementale, ça va engendrer de la panique. De la panique. Mais bon. Tout ça, c'est entre autres lié au fait que bon, c'est beaucoup lié au système nerveux, le vibratoire. Dans l'enregistrement, Bernard, il parle, il dit, oh, les entités astrales, ils servent du sang. Ça peut paraître bizarre, mais ce qu'il y a à comprendre par rapport à ça, parce que ça fait longtemps que c'est su, ces choses-là, c'est l'aspect magnétique, l'aspect psychomagnétique sublunaire de l'âme, de. Certains aspects, bon, c'est tandis que si on va plus haut que ça, des phénomènes un petit peu plus élevés, un petit peu plus puissants, là, ça va être psychoélectrique, ça va être beaucoup lié au système nerveux. Si vous prenez, par exemple, certains courants qu'il y a eu à partir de la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, qui étaient beaucoup beaucoup lié, entre autres, à des fascinations pour le sang. Ça, c'en est des phénomènes liés à de la corruption astrale, dans le sens que c'est très magnétique, c'est assez basé sur le magnétique. Il y avait beaucoup de groupes ésotériques, notamment en Europe de l'Est ou en Allemagne, en Autriche, que tout était basé sur le magnétique du sang, puis les phases de la Lune, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il y en a qui ont dit que, entre autres, certains groupuscules germaniques avaient voulu enlever la mission de certaines... certains peuples, parce que c'était une guerre entre les sorciers du sang et les magiciens du ciel. Il y avait une sorte de... Bon, en tant qu'il peut comprendre, qu'il pourra, parce qu'il s'agit de sujets délicats. C'est très, très délicat, ces choses-là. Puis ça, il y en a qui tiennent au magnétique, c'est sûr, ils sont magnétisés. Donc, l'affaire, là, quand vous êtes comme un magnétiseur, là, il va avoir ce qu'on appelle là, des passes magnétiques, des choses comme ça. Ça va être beaucoup lié au sang, au magnétique du corps. Puis après, ça a des effets sur le système nerveux, tandis qu'il y a d'autres phénomènes, ça va être le contraire. À partir de phénomènes très, très liés à la sensibilité du système nerveux, là, on va pouvoir influencer la pression au niveau de la vascularité, des choses très... surprenante, très étrange, liée entre autres à de la suggestion, mais partout où il n'y a pas une conscience intégrale, il va y avoir de la programmation, c'est-à-dire des programmes autorégulés. Quand vous faites quelqu'un qui obéit à une suggestion inconsciemment, il est comme c'est quelque chose de mécanique, c'est une mécanicité, c'est des programmes. Donc, ces choses-là, là. Bon, pour le petit peu de temps qu'il nous reste, là, est-ce qu'il y a quelque chose là, que vous voulez aborder en ce moment? Là, c'est vraiment... Il y avait des choses que je voulais aborder, mais j'en perds la mémoire tout de suite. Je ne me souviens plus. Vous avez vu Marguerite Blais. On s'attendait à quoi, dans le fond? Je veux dire, prenez un mafieux, vous n'allez pas vous mettre sur le dos d'un de ses coursiers ou d'un de ses petits employés, un gros caïd là, qui a des petits exécutants sous sa protection pour des raisons d'image, il va les protéger. Ils vont être protégés, ils ne seront pas atteints. À moins que ce soit quelqu'un qui était là pour faire un job et on s'en débarrasse après. Comme il y a une caricature dernièrement qui a été faite, je ne sais plus dans quel journal, on voit le docteur Arruda dans les poubelles. Ça aussi, il faut comprendre le côté, si vous avez étudié par exemple les phénomènes sociaux, par exemple liés au patronage et au clientélisme au niveau corporatiste et politique, c'est pas difficile de comprendre qu'on a affaire à des mécaniques, que c'est les mêmes choses que des groupes mafieux, que des... Donc, si on le regarde sous cet angle-là, pour certaines raisons aussi, il y a des élections, bon, ça peut sembler loin, mais il va y avoir des élections pour la CAQ. Ça peut être intéressant de faire en sorte que Mme Blais ne soit pas trop blâmée. Puis regardez comme la dame qui était directrice, comment d'autres vont prendre le blâme. Ils portent le chapeau, ils sont sacrifiés. Un peu comme des gens qui jouent aux échecs vont sacrifier des pions. Ça, c'est de la tactique. Et la tactique, il faut toujours qu'elle soit en accord avec la stratégie. La stratégie qui, elle, habituellement, ne change pas. On va adapter la tactique selon ce qui se passe en temps réel. Puis bon. Donc, vous n'avez rien à... Rien de spécial aujourd'hui. Aurélie, penses-tu que quelqu'un qui est dans une très grande société discrète peut en sortir et être légitime dans ce retournement de veste, c'est-à-dire dénoncer réellement ou bien ça sert à un autre agenda? Je dirais que c'est du cas par cas. Il y en a qui ont réellement retourné leur veste. Il y en a d'autres que c'est de la fumisterie. Là. c'est des gens. Il y a des gens qui vont entrer dans ces choses-là pour réussir en affaires, entre autres, puis une fois qu'ils se rendent compte que ils n'ont pas fait les connexions qu'ils voulaient, puis qu'ils réussissent pas en affaires aussi bien qu'ils voulaient, ils peuvent sortir. C'est plus facile de sortir qu'entrer, d'après moi, dans ces choses-là, puis ensuite se retourner, se servir du fait qu'ils ont été là-dedans pour essayer de faire un profit, d'essayer de monétiser ça d'une certaine façon, ou de faire des scandales parce que ça se vend bien. Prenez le cas, là, Léo Taxil. Il y a des choses qui ont été dénoncées par cet homme-là qui n'avaient aucun sens. C'était de la pure invention. Alors, puis, ça sert de diversion au fond, parce que les vraies choses qui devraient être dénoncées restent inconnues, ça sort pas tout de suite. Mais oui, quelqu'un qui a été dans... Oui, pourquoi pas? Il y en a qui ça arrive. Ça arrive, mais là, c'est du cas par cas. C'est difficile des fois de... Mais prenez, admettons, là, Mélenchon, là, il dirait qu'il a décidé de revirer sa veste, là, puis qu'il ne veut plus rien savoir du Grand Orient de France. Puis, ça pourrait être pour des raisons de psychologie des foules, pour se faire apprécier, puis se débarrasser de cette étiquette-là. Puis, ça pourrait être le cas tout en restant en relation avec les amis des amis qui sont encore là-dedans et qui comprennent très bien que c'est rien d'autre qu'une stratégie. Donc, c'est du cas par cas, c'est toujours du cas par cas. C'est assez, ouais. Mais la plupart du temps, les gens, ils vont entrer là-dedans tout simplement par mimétisme, par réflexe social, par, en tout cas. Mêlons, mêlons et un opportuniste ou un mélangeon, ben oui, ben c'est tous des opportunistes. Ben oui, puis en plus, il sert, lui, de contexte. C'est-à-dire que ben, ça prend plusieurs. Ça prend pour faire à croire, pour faire donner l'impression d'une démocratie, il faut avoir plusieurs choix. Donc, bon, en tout cas. Denis, Lego, comme une lentille ou Lego réflexif, veux-tu commenter? Ouais, l'ego, c'est comme une lentille, l'affaire où c'est censé concentrer la lumière, l'ego, mais comme si c'est pas de la conscience, ben là, ça devient une loupe par la réflexion, puis ça amplifie des choses. Prenez comme quand vous vous faites mal ou que vous avez une douleur. Si vous observez votre blessure et que vous la réfléchissez, vous allez avoir beaucoup plus mal. Il y a beaucoup de gens qui amplifient leur douleur comme ça sans s'en rendre compte. L'ego peut servir à ça. C'est égoïque comme mouvement. Puis, mais l'ego, comme lentille, il faut que ça concentre la lumière. Ça veut dire que ça prend du discernement puis de l'ajustement. C'est comme une loupe sous le soleil. Si vous voulez faire un petit point lumineux pour concentrer une chaleur, il va falloir qu'il y ait un ajustement de la hauteur par rapport à la surface et à la source de lumière. Je le vois comme ça. Donc, Christine, moi, ouais, Mélenchon. Moi, je me demandais, mais Léon, on vient mêler. Mais de toute façon, les politiciens de carrière, là, surtout, bon, quand ils ont de la difficulté au niveau de l'image, prenez M. Mélenchon, c'est difficile de vendre. C'est la gauche, puis pas la plus belle. Il n'y a pas de femme, pas d'enfant. Il n'est pas très charismatique tant que ça. Mais il n'y a pas, c'est rare, le véritable charisme. Prenez, il n'y a personne de charismatique. Là, si on prend par exemple, moi je trouve pas que Macron est charismatique, là. Et oui, peut-être pour des personnes un peu âgées qui, bon, quand on parle de programmation, je me souviens plus qu'est-ce que je disais par rapport à ça. Virginie, bonjour. Ben oui, mais j'ai écouté ce matin un enregistrement de David Lévesque, sur sa chaîne David Lévesque. C'était très intéressant. J'avais pas pu l'écouter hier, je trouvais ça trop long, mais là, ce matin, je me suis levé de bonne heure. Ça vous tente d'aller l'écouter. On peut la changer quand? On la reconnaît. Ah, vous parlez de la programmation. Si c'est vu, c'est plus de la programmation. Vous allez conscientiser une mécanicité. à ce moment-là, si vous, en temps réel, vous pouvez devenir votre programmateur, si vous voulez. Si vous conscientisez une mécanicité, vous êtes en expansion de conscience. Pour ceux qu'il y en a, pendant des années, ils vont chez les psychologues pour essayer de comprendre leur personnalité qui s'est construite inconsciemment. La personnalité, ça se construit inconsciemment. Puis, c'est comme, prenez au sens freudien du terme, les complexes, ces choses-là, c'est des choses inconscientes. Puis, même, pour ça que je ne suis pas très fan de la psychanalyse, parce que c'est par une espèce de processus tout aussi inconscient qu'on va essayer, que le psychanalyste va essayer de faire des complexes, entre autres, ou de comprendre certaines choses, mais... C'est l'expansion de conscience. Je vois pas autre chose. Christine, Macron est le meilleur pour amener un chaos qui va peut-être réveiller certains. Ça va faire mal au collectif en France et ailleurs. Ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que c'est une question de timing. C'est-à-dire, c'est bien correct que ça peut amener un chaos qui va réveiller des gens, mais il faut se réveiller quand c'est le temps. Si c'est trop tard, ça donne rien. Donc, Macron, j'ai eu un message qui est tiré. Je pensais que j'en avais un nouveau. Mais non. L'Europe, là. Les Français ne voulaient pas. Prenez quand il y a eu l'affaire de la zone euro, qu'il y a eu un vote. La démocratie de la France, c'était déjà entamé, c'était déjà commencé. Je veux dire, c'était déjà la dictature de l'Europe. La France était déjà une province de l'Europe. C'était déjà décidé. Ça a été décidé avant, au lieu, et après, on l'a passé de force dans la gorge du peuple. C'est ça qui arrive souvent. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas faire l'Europe sans la France, ni sans l'Allemagne. Mais tandis qu'on peut se passer de l'Angleterre, on peut se passer de la Suisse, on peut se passer des futés qui, eux, restent en retrait et profiteront toujours de la situation. Oui, Bertel, en effet, pas d'amour. Hey Christine, j'ai pas le temps. L'Europe est dans un suicide programmé, voilà. Mais un suicide, c'est censé être volontaire. Mais les gens, maintenant, on les conditionne à agir d'une façon, ça n'est pas volontaire. Mais oui, puis à qui ça va profiter tout ça? Aux Américains. L'Empire américain, ou les Atlantistes, si vous voulez, c'est en train de chuter depuis des décennies, c'est en train de tomber. Puis c'est en vampirisant l'Europe qu'ils vont se maintenir sous perfusion. Prenez là la guerre par procuration en Ukraine entre la France et là des pays d'Europe du Nord veulent intégrer l'OTAN. Ça sera encore des violations des traités faits dans le temps. Bonjour Thérèse. Donc c'est comme une fuite vers l'avant. C'est une fuite vers l'avant. Tout ça ne profitera pas aux Européens. Je veux dire, c'est impossible. Puis, on s'en va vers... c'est un peu comme... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Liquider les meubles. C'est très... dans... Prenez la Grèce, là, toutes les petites îles qui ont été rachetées. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour la France, selon vous? Serait-il possible que tu nous parles de la fusion? Comment ça se ressent? Comment ça se vit? Bien, la fusion. Vous avez des fois de fortes intuitions ou un instinct très affûté que vous vous rendez compte que vous aviez des pressentiments et une fois quand vous vérifiez, ça se confirme. Ces mécaniques-là, vous voyez comment que c'est pas conscient. Au fond, c'est comme la conscience est obligée, si on peut dire, de dealer avec des parties d'elle-même qui sont pas totalement... conscient, la fusion, vous avez de moins en moins besoin d'intuition et d'instinct, c'est-à-dire que votre intelligence éveillée, habituelle, va devenir de plus en plus capable d'intégrer ces forces-là. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un fort pressentiment, vous allez savoir d'avance. Au lieu d'avoir une forte intuition, vous allez sentir d'avance. Puis de plus en plus, il va y avoir une intégration par la conscience de ce qu'on pourrait appeler des structures prépersonnelles de l'intelligence. Donc, l'ego se dépollue puis est en expansion en tant que lentille. Puis certaines choses qui étaient mécaniques vont être intégrées. On s'en va vers une conscience intégrale, c'est ça, la fusion. Dans le sens que ça donne quoi d'avoir de forts pressentiments si on n'est pas sûr? Ça donne quoi d'avoir de fortes intuitions si on n'est pas sûr? Et à un moment donné, il faut qu'elle ait les standards de la certitude de sa conscience. L'ego pour être centré puis être autre chose qu'une mémoire expérimentale. Serait-il possible? Oui. Donc, on peut être fusionné sans en avoir conscience intellectuellement. Oui, parce que ce n'est pas intellectuel, la fusion. C'est quoi avoir conscience intellectuellement? Voyez-vous, là, le côté, il y a un paradoxe, là. De la conscience, est-ce que c'est intellectuel? Est-ce que vous avez besoin de réfléchir pour savoir ce que vous savez? Est-ce que vous avez besoin de le raisonner, de le rationaliser? De l'intelligence, c'est pas intellectuel à la base. C'est là qu'il rentre la subjectivité de l'intellect, le réflectif. Puis là, les gens se coupent de leurs intuitions, ils se coupent de leurs instincts les plus rapides, les plus brillants, les plus clairs. On se coupe d'une partie de notre intelligence parce qu'on pense que c'est l'ego conscient intellectué qui est l'intelligence. C'est ça, c'en est de la subjectivité. Un chien n'a pas besoin de réfléchir pour savoir certaines choses, puis ça, c'est de l'intelligence. Et ensuite, il s'agit de croire ce qu'on sait, même si ça ne fait pas notre affaire, et pas croire ce qu'on croit. Ouais. Ben, croire ce qu'on sait. Savoir qu'on sait, on le sait. Puis, qu'il n'y a pas le doute. Le doute fait perdre l'intelligence. Comme la certitude de... La certitude, c'est pas un processus de savoir, ça. C'est psychologique. Quand on parle de fin de cycle, pouvez-vous décrire ce qu'est ce cycle? Son début, son apogée, les autres cycles avant. Oh, ça serait long. Je vais bientôt quitter. Mais prenez ce qu'on appelle le cycle d'avant. C'est ce qu'on appelle les temps antédiluviens. Habituellement, un cycle va se clore par des phénomènes naturels. Donc, c'est quoi? Comment vous parlez ça? Pouvez-vous nous décrire ce qu'est un cycle? Un cycle, c'est un peu une boucle qui a rapport avec les cycles de vie de la Terre. Donc, on pourrait calculer ça selon ce que les gens qui sont dans la tradition primordiale appellent la précession des équinoxes. Donc, comme ça, on peut se repérer un petit peu. C'est ce qu'on appelait des heures, mais non, il y a le cycle, dans le cycle, il y a des âges, puis dans les âges, il y a des heures. C'est des façons de diviser le temps. Mais à la fin d'un cycle, il y a une nouvelle humanité qui est totalement différente. Pas dans le sens physiquement nécessairement, mais dans le sens de la perception, la capacité. Je le vois comme ça. Là. Je ne sais pas si... Je l'ai bien résumé, là. Mais le cycle d'avant, c'est le cycle de la quatrième race racine. Ce serait fini par ce qu'on a appelé la chute d'un... On rapporte ça, les Atlantes qui auraient quand même existé jusqu'au début du cycle d'après. Mais regardez comme justement aujourd'hui, politiquement, il y a des guerres encore qui arrivent, puis que ça brasse en ce moment sur Terre, puis que c'est un... Une partie, si on peut dire, ça semble être comme les Eurasiens contre ce qu'on appelle l'Alliance Atlantiste. Là. Regardez le mot, les Atlantistes. Donc, pourtant, c'est surtout dans le Pacifique qu'ils sont présents. Mais l'histoire de la fusion de BDM qui a failli le tuer, ça fait penser à un processus spécifique. Oui. Ben oui, mais c'est lié à la mort, hein, la fusion. Il va avoir, il faut franchir le seuil de la mort mystique. Le vieil ego meurt. Pas le choix. Puis c'est comme mourir puis revenir au monde tous les jours, tout le temps. Mais c'est pas la même chose qui revient. C'est pour ça que le phénix des initiés de la connaissance, c'est pas adéquat. Faut décrire ça. C'est pas adéquat comme image. Parce qu'un phénix, c'est tout le temps le même oiseau qui revient. Il renaît de ses cendres, mais il est involutif. C'est tout le temps le même oiseau. C'est tout le temps la même. Le son coupe, c'est fort possible. C'est fort possible. De toute façon, je vais devoir quitter bientôt. C'est peut-être aussi de votre côté, là. De plus en plus de conscience sur ce qu'il faut faire et quand. ça s'impose à notre esprit. Mais ça s'applique à des choses banales. Est-ce normal? Rien d'exaltant. Ben, vous savez, les choses banales, moi, à mes yeux, c'est ça qui est important souvent. Même si c'est nous qu'on qualifie ça de banal, mais par accumulation, ça devient significatif. Puis de toute façon, on s'exerce avec les choses banales, on intègre avec les choses banales. Puis quand vient le temps des choses très significatives, très importantes, ben là, en tout cas, rien d'exaltant, ben est-ce que vous voulez être exalté? J'ai de la difficulté avec les exaltés, dans le sens que est-ce qu'on faut désirer un état pareil d'être exalté? Il faut s'en aller de plus en plus vers des gens qui vont être très, très, très posés. Très, très, c'est parce qu'il va falloir que l'énergie de l'émotivité serve à l'intelligence, pas à... Oui, l'héroïsme, à l'heure actuelle, c'est d'être normal dans ce monde de fous, et voilà. Je le vois vraiment comme ça aussi. Ça va être de plus en plus difficile. L'impression de faire un exercice de m'exercer, c'est ça. Parce qu'on le veut ou pas, on est mécanique, puis c'est progressif. On est dans le temps et l'espace, puis le système nerveux, ça reste une configuration. Donc, qui est entre autres, qui va relier, c'est ce qui rend l'âme et l'esprit, qui peut y avoir des échanges entre les deux, puis qu'un peut être maté par l'autre, là, le système nerveux. C'est pour ça que ça se passe dans la matière. Vous ne trouverez jamais un être désincarné qui a le contact avec son esprit, à moins que ce soit un être qui a fusionné dans la matière, puis qui n'est pas mort qu'au sens où on l'entend. Ce n'est plus une mémoire expérimentale enregistrée. C'est un être qui poursuit sur un autre palier d'existence. Là, c'est autre chose. On ne peut même plus parler de... On peut plus parler au sens où on l'entend habituellement d'un être. Les Québécois n'étaient pas tant hypnotisés qu'hypocrites et lâches, finalement. Les deux. Ceux qui ne sont pas hypnotisés font semblant de l'être pour s'intégrer. Parce qu'au Québec, on aime ça être comme tout le monde. Ça fait partie de... En regard du masque, ah oui. Ben, c'est surprenant ça. Moi ici, depuis qu'il n'y a plus... c'est plus obligatoire, on n'en voit plus beaucoup. J'en ai vu deux à date. Des gens qui en portaient dans des lieux publics, j'en ai vu deux. C'est peut-être lié au fait que je suis dans une région... Vous savez, les gens de région sont très différents des citadins. Donc, bonjour, que penses-tu? De la passion. Par exemple, être supporteur d'une équipe sportive, ben, ça vient de l'animalité. Je pensais que vous me parliez de la passion du Christ. Ça vient de l'animalité. C'est une façon primordiale, primitive, un peu de gérer l'énergie expérimentale. D'être géré par l'énergie expérimentale, au fond. Mais c'est pas mauvais, ça peut faire partie d'une phase dans la vie de quelqu'un. Prenez là, les jeunes qui vont dans des concerts de musique, puis des affaires de même, puis ça va être de la passion au sens de l'énergie expérimentale, c'est-à-dire que pourquoi ça se produit à des âges où on est jeune, parce qu'il y a beaucoup d'énergie animale de disponible, si vous voulez. Je suis correct. Mes prévisions pour l'automne, oh! Je ne sais pas du tout. D'après moi, ben, vous savez, moi, je pense que ça va tout revenir, là, les mesures. On est dans une petite accalmie. Il va recommencer, il va y avoir des confinements, il va y avoir le masque obligatoire. Ils peuvent aussi bien essayer de rendre les inoculations obligatoires. Puis c'est possible que la CRAQ soit réélue. Il y a des bonnes chances. Le monde qui vote pour la CAQ, c'est du monde entre 55 et 90 ans. Du monde de l'âge de Louise Latraverse que j'ai vu à la télévision l'autre jour, que l'effet marquant de sa vie qu'elle nous ramenait, c'est quand elle était allée en Inde étudier pour faire des petites peintures. Puis la fois qu'elle avait pris du LSD avec Robert Charlebois. Robert Charlebois qui était resté dans la fenêtre pendant 14 heures en amour avec une femme sur une publicité. C'était peut-être la dame des raisins secs, là. Sommeid ou quelque chose de même. Puis c'était ça les faits marquants de sa vie. La trip sur Virginia Woolf qui s'est mis des roches dans les poches avant de se sacrer en bas du pont. Puis après, elle est allée vers un homme qui s'est suicidé. Puis là, elle vit en couple avec Clémence Desrochers. Puis là, elle a les cheveux tout couettés. Puis des gros bijoux de plastique qui flashent. Puis c'est ça, Louise Latraverse. Je l'aime, Louise Latraverse. Comment elle n'a pas l'aimé? Mais je suis pas stupide. Je suis capable de reconnaître à quoi j'ai affaire certaines fois, justement, que toute une grande partie de ma vie, je vais avoir d'essayer de dénoncer. Puis de pas. En tout cas, bonjour Mazio Mazio. Ils vont nous ramener la passe et inclure les. Et voilà. Là, ça va être le temps, là, à un moment donné, qu'il y a une vraie. Je ne voudrais pas être accusé. Je ne suis pas Madeleine Parent, moi, là. Rumeur New Age, les intergalactiques débarquent en octobre. OK. Suite au non-respect d'un accord, OK, on peut trahir. Ils vont faire comme Poutine. Bon, ben, on verra rendu là. Pourquoi pas? C'est le nouvel âge de ténèbres. En Europe, ils sont en train de faire passer un décret pour que l'OMS soit au-dessus de toute constitution d'un pays. Et c'est ce qui nous aide. Je vais être franc avec vous. L'OMS, c'est les États-Unis. L'ONU, c'est les États-Unis. C'est toutes les États-Unis. Puis vous êtes sous occupation, quand les Allemands sont sortis, que bon, les Russes, là, vous êtes sous occupation atlantiste, c'est-à-dire les Américains. Puis Israël, c'est une création de l'Angleterre comme l'Arabie Saoudite. Puis il y a une alliance des forces anglo-saxonnes impérialistes. Puis vous êtes, c'est vos boss, ça, c'est vos propriétaires. Puis à un moment donné, ils vont vouloir éclairer, ils vont vendre les meubles, vos meubles. En tout cas, fait que oui, l'OMS, il faut que ça soit une autorité. L'ONU, que ça soit une autorité. Il va y avoir des soldats de l'ONU, des forces d'occupation. Il va y avoir des gendarmes onusiens. Il va y avoir tout ce que vous voudrez. Puis c'est toutes des forces qui étaient liées aux États-Unis. Les États-Unis eux-mêmes vont devenir une succursale parmi tant d'autres de ce grand empire atlantiste-là. Puis on se doutera de rien en voyant comment ça va mal aux États-Unis, en se disant, ben ça peut pas être eux qui... ben oui, c'est encore cette race-là qui vient du nord de barbare avec les cheveux jaunes, la fâche rouge, la face rouge, puis les yeux bleus clairs. C'est bien tannant, ces barbares-là. C'est bien fatigant, en tout cas. Mais on verra, moi je vous dis, c'est les Américains qui n'ont pas besoin d'être arrangés comme je vous décris là. Ça, c'est le prototype, là. De base. Le grand monarque de Glenn va tout nous régler ça. Bon, peut-être quand même lui, il va regretter. Il va peut-être même se rendre compte. C'est comme Woodrow Wilson qui aida à la création de la Société des Nations. Il paraît que sur son lit de mort, il arrêtait pas, il capotait là, parce qu'il s'en voulait et il comprenait. Vers la fin, c'est plus le temps là, de. Mais souvent, on est obligé de réaliser avant de, nourrir, de mourir. Je le dirais avant de nourrir les... Je vais devoir vous laisser dans quelques minutes. Oui, nous sommes sous occupation, bien certainement. Moi, je suis dans un pays qui fait partie de ces forces-là. Mais étant Canadien-Français, je fais partie d'un peuple conquis qui est un peuple d'esclaves. Donc, on peut pas grand-chose, hein? Mais vous allez voir que c'est des phénomènes naturels qui font tomber les empires. Puis là, ça va être le temps du timing de... Bon, on verra. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'intuition, que notre instinct, notre intuition devienne notre intelligence. Bon, je vais en lire un dernier, puis ensuite, j'arrête. Je vous ai fait découvrir à mon compagnon, et le soir, il a rêvé de vous et que vous saviez un échange de conversation... Mais se souvient pas de la discussion. Ça arrive souvent, des phénomènes comme ça. Mais moi, je sais que des fois, je me réveille le matin puis j'ai l'impression d'avoir passé toute la nuit à discuter avec des gens, d'avoir rencontré plein de monde. Mais au-delà du temps et l'espace, ben, il reste que tout est lié. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. parce que là, je vais devoir arrêter. J'ai pas le choix. Donc, bonne journée à vous. Ah, je vais en lire un dernier. Je serais heureux de savoir. Écrivez-moi pas d'autres affaires. Là. Je serais heureux de savoir que les morons qui votent CAQ vont en souffrir, mais ils aiment ça, la nouvelle société de surveillance. Voyez, ça, c'est un petit peu. Faut avoir de l'indulgence pour les gens. Puis, comme surtout quelqu'un d'inconscient, tu sais, c'est comme, si vous regardez, je ne sais pas moi, un handicapé qui serait handicapé, à la fois handicapé moteur et handicapé mental, on n'est pas censé se réjouir de le voir se faire mal en courant partout. Ça revient un peu à ça, il faut être indulgent. C'est pas parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils méritent ce qui va leur arriver, pas plus que les autres. Donc, ah bon. Merci Christine, Carole, Denis, Mazou. Bon, ben, bonne journée à vous. Au revoir.